Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Canada et la Trudeaumanie durant la campagne électorale de 1968. Vous avez choisi M. Trudeau. Est-ce que vous avez embrassé la photo? Oui, j'ai embrassé la photo. Et pourquoi embrasser la photo de Trudeau? Parce que je l'aime. Et s'il était en personne, vous aimeriez encore mieux ça, j'imagine? Oui. Vous avez choisi d'embrasser qui? M. Trudeau. Pourquoi? Parce que j'aime sa politique, j'écoute ce qu'il dit. Je crois que c'est l'homme que nous avons besoin maintenant. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit. Mais quelle est l'idée de l'embrasser? Non, c'est parce que quand on aime quelqu'un, on cherche à lui montrer qu'on l'aime. Pourquoi pas l'embrasser? C'est une façon comme une autre. I feel he's the best man. Do you think he will like it? I hope so. L'idée peut paraître complètement saugrenue, mais elle reflète pourtant très bien le climat ambiant durant cette campagne électorale fédérale de 1968. Un Montréalais a cette drôle d'idée d'inviter les électeurs et les électrices à indiquer pour qui ils voteront comme prochain premier ministre du Canada en embrassant la photo du candidat de leur choix. Nous sommes en pleine Trudeaumanie. De Pierre Elliott Trudeau n'a jamais été plus évident qu'à Toronto ce midi. Il est difficile d'évaluer une pareille foule, mais les chiffres varient entre 30 et 45 000 personnes. De partout et à perte de vue, les Torontois se sont entassés sur la place de l'Hôtel de Ville pour entendre et voir le premier ministre. Certains estiment que l'Assemblée d'aujourd'hui n'a pas de précédent dans l'histoire politique canadienne. Que les gens soient pour ou contre le Parti libéral, cela ne semble avoir aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est de voir de près celui qui dégage tant de magnétisme. Soulignons que le premier ministre, partout où il passe au Canada anglais, ne manque jamais de discourir pendant quelque temps en français. Quelqu'un faisait remarquer que M. Trudeau fait preuve de courage, qu'il est certes le premier politicien de langue française à agir ainsi. Notons qu'à chaque fois, il récolte des applaudissements. Malgré cette immense foule, l'on n'entendit que quelques chahuteurs. L'on apercevait bien sûr des pancartes de toutes sortes. M. Trudeau n'a pu s'empêcher de dire combien il était ravi en lisant celle-ci rédigée en français. « Cher Pierre, vos beaux yeux me font mourir d'amour. » Reportage de Pierre Sauvé le 18 juin 1968. Nous sommes à une semaine de l'élection de Pierre-Éliott Trudeau à titre de nouveau premier ministre du Canada. Et nous sommes, vous l'avez entendu, en pleine Trudeaumanie. Éric Bédard, historien, enseignant à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Éric, c'est la folie. Cher Pierre, vos beaux yeux me font mourir d'amour. On nage en pleine Trudeaumanie. Ça commence quand, la Trudeaumanie? Ça commence très tôt durant l'année 1968. Rapidement, lorsque Lester B. Pearson annonce qu'il va quitter son poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre, alors il y a une rencontre qui se fait très, très secrète le 14 janvier 68, convoquée par Jean Marchand. Et Jean Marchand annonce à ses deux grands amis, les deux autres Colombes, qui s'étaient lancés en 1965. En politique, chez les libéraux. Exactement, il s'était lancé en politique pour représenter le Québec. Donc Gérard Pelletier, Trudeau et Marchand. Exactement. Il annonce qu'il ne se présentera pas à la chefferie du Parti libéral, ce qui étonne un peu tout le monde. On soupçonne des problèmes de santé, peut-être même d'alcool, un problème aussi à parler anglais. Il ne parle pas anglais suffisamment bien à son goût. Et donc il dit, c'est toi Pierre mm-hmm. qui dois te présenter. Et il est, sur le coup, et pas convaincu, parce que c'est un novice en politique, Pierre Trudeau. Il s'est lancé en... Il hésite pour plusieurs raisons. D'abord, il ne se sent pas prêt. Il est ministre de la Justice depuis quelques mois seulement. Avant, il a été secrétaire parlementaire de Lester B. Pearson. C'est donc élu en 1965. Il craint l'intrusion des médias dans sa vie privée. Il était jaloux de sa vie privée. Et aussi, il avait le sentiment de mal connaître le Parti libéral du Canada à l'extérieur du Québec. Mais très rapidement, dès le 13 janvier 68, un certain Pierre Burton, qui est un intellectuel de très haut niveau, de très respecté au Canada anglais, un des journalistes les plus influents, écrit donc le 13 janvier 68, « Trudeau est le type qui me stimule vraiment. Trudeau représente un nouveau regard face à la politique de ce pays. Il est le jeune homme dans le vent dont je crois notre pays a besoin, etc. » Donc, il y a très vite une sorte de buzz autour de cette candidature et ça va s'amplifier jusqu'en juin. Chez les jeunes libéraux ontariens, pas chez les jeunes, chez les libéraux ontariens qui seront en congrès, les libéraux ontariens au printemps, il va être accueilli comme une rockstar. Donc c'est parti, mais c'est vrai que vous parliez de Burton, ça commence au Canada anglais d'abord, cette Trudeau-manie. On écoute à ce sujet-là la chroniqueuse à la presse, Lisiane Gagnon, parler au journaliste Danny Brown à l'occasion d'un reportage diffusé à Dimanche Magazine en 2008. Il faisait en forme, il avait l'air en forme, c'était un sportif en même temps qu'un intellectuel qui dégageait un certain sex appeal et du charisme. Et ça a été la folie au Canada anglais. C'était un célibataire qui sortait beaucoup, qui avait beaucoup voyagé, etc. Donc, ça faisait très, très sophistiqué par rapport à l'atmosphère générale du Canada anglais à cette époque-là. C'était toujours, évidemment, le vieux complexe du Canada anglais versus les États-Unis. Les États-Unis avaient eu leur Kennedy. Ben nous, on allait avoir notre Trudeau. Elle évoque, Lisiane Gagnon, dans cet extrait, Éric Bédard, cette idée d'un Kennedy canadien. Ça va compter, ça, dans la Trudeau-manie, peut-être plus encore au Canada anglais, mais il s'est là quelque part. C'est là quelque part, et quand vous lisez même les mémoires, par exemple, d'un Pierre-Éliott Trudeau, ou les mémoires d'un Brian Mulroney, ou ce qui a été écrit sur Brian Mulroney, on voit que pour cette génération-là, et même Brian Mulroney est plus jeune que Pierre Trudeau, le mythe Kennedy, c'est quelque chose de très, très important, qui est toujours, en tout cas durant les années 60, qui est toujours vivace. N'oubliez pas que Robert Kennedy, le frère de John F. Kennedy, est candidat démocrate encore en mars 1968. Donc, c'est une aura, comme le disait Lisiane Gagnon, c'est une aura de jeunesse, de fraîcheur, de séduction. Trudeau est vu avec sa Mercedes décapotable, il porte des chemises de sport à col ouvert, un veston en suède, des pantalons en velours côtelé. Il se présente un jour à la Chambre des communes en sandales de cuir et foulard, au grand dam d'ailleurs de John Diefenbaker. Il arbore toujours déjà sa fleur à la boutonnière, ce qui fait ça donne un petit soupçon, une petite touche hippie à son style. Il fréquente les clubs Med, c'était pour les riches, mais en même temps c'était très exotique et très jet-set. Ben oui, voilà. C'est ça. Aujourd'hui on dirait people, mais c'est le côté jet-set. Il est vu au bras de jeunes femmes tout de suite, donc après d'ailleurs son élection comme chef du Parti libéral du Canada. Il va être accueilli par une horde de jeunes femmes en mini-jupe. Il a un peu l'allure d'un dandy flamboyant. Il fait du ski. Et aussi, ça, c'est pas à sous-estimer, son bilinguisme. Ouais. Son bilinguisme, il incarne ce Canada nouveau et son cosmopolitisme. Mmh. Quelqu'un qui a voyagé, qui a étudié dans de grandes écoles. Il a fait London School of Economics, il a fait Sciences Po Paris, il a fait Harvard. Il n'en a pas nécessairement tiré de grands diplômes, mais ce n'est pas grave. Il a beaucoup voyagé, il a été soumis à toutes sortes d'influences. Et il a donc cette aura de jeune homme d'un rang social aisé et qui a une touche de séduction. Et ça donne ces cris de folie qu'on entendait au début de l'extrait avec Lisiane Gagnon. C'est vraiment... Et beaucoup les femmes, les jeunes filles, on y reviendra, mais qui sont folles, puis on l'a entendu au tout début de l'émission, de ce Trudeau, de ce qu'il représente, de l'image Trudeau. Le journaliste Louis Martin, c'est intéressant, va parler de ce phénomène de la Trudeau-manie à Pierre-Éliott Trudeau. On est en juin, en pleine campagne électorale d'ailleurs, en juin 68. Monsieur Trudeau, est-ce que ça vous gêne pas un peu quand même ce qu'on appelle la Trudeau-manie? D'abord, j'aimerais savoir si vous pensez, comme plusieurs, que c'est un phénomène surtout présent chez les anglophones au Canada. Et deuxièmement, si c'est une sorte d'attachement, disons, au leader là, qui favorise l'épanouissement de la démocratie dans un pays comme le nôtre. Pas sur le premier point, c'est à vous de le dire. Si ça existe surtout au Canada anglais ou au Canada français, moi, je vais trouver des foules de jeunes me bousculant et criant assez un peu partout, y compris hier, beaucoup dans Québec. Je pense que c'est un phénomène de génération, beaucoup plus que de culture ou dans le français ou anglaise. C'est-à-dire que la nouvelle génération vous perçoit comme un leader ou... Ben, la nouvelle génération, peut-être qu'elle apporte à la politique, elle apporte des exigences qui sont plus grandes que celles qu'on avait autrefois. Elles demandent notamment que leurs politiciens, leurs hommes politiques, n'essaient pas de leur compter des mensonges, n'essaient pas de leur dorer la pilule. C'est peut-être ça qui les intéresse un peu dans notre parti et dans ce que je leur dis, c'est que je leur montre les difficultés et je leur dis qu'il faut résoudre les problèmes ensemble. Monsieur Trudeau, est-ce que ça vous... La Trudeau-manie, d'abord une question de génération, de renouveau politique, répond Pierre Trudeau à Louis Martin. Quand on essaie, Éric Bédard, de faire le départage dans ce succès, dans cette vague, la Trudeau-manie, entre ce qui appartient au style, à l'esbrouf, à l'image, et ce qui appartient aux idées, au contenu, à la substance. Oui, mais il est clair que là, on ne peut pas ignorer ce contexte de la fin des années 60. 1968, c'est l'année du grand mouvement du Peace and Love, mais aussi de mai 68. C'est l'avènement de la jeunesse. Hein? Ouais. C'est le culte de la jeunesse. Un mouvement mondial occidental. Exactement, c'est un mouvement mondial occidental. Et donc, le timing est parfait pour Pierre et le Trudeau. L'hypothèse aussi que je soulèverais, c'est que le charisme de Pierre-Éliott Trudeau et l'engouement qu'il suscite chez la jeunesse, ça correspond aussi peut-être à l'éclipse du père. Jusqu'aux années 60, c'était un peu un père qu'on cherchait pour diriger le destin des pays. La figure d'autorité. Exactement, la figure rassurante, l'homme d'expérience, la sagesse des années. Des personnages comme Eisenhower, comme Churchill, comme De Gaulle, mais aussi au Québec comme Taschereau, Duplessis ou encore Louis Saint-Laurent, John Diefenbaker, Lester B. Pearson. Tous des personnages qui n'étaient pas recherchés pour leur sex appeal, mais qu'on voyait d'ailleurs assez peu à la télévision, c'était des hommes de radio, mais donc on cherchait ça. Alors que là, il y a une sorte de changement, dirait-on, de paradigme, on est ailleurs, c'est plus nécessairement un père qu'on recherche, mais c'est une image de jeunesse, de fraîcheur, de renouveau. Et je vous citerai aussi cet extrait de Stephen Clarkson et de Christina McCall que j'avais trouvé fascinant dans leur portrait qu'ils font de Pierre-Éliott Trudeau. Ils disent « Qu'est-ce que c'est le charisme? » Eh bien, c'est un soupçon d'exotisme, quelques imperfections physiques et morales flagrantes, un rang social élevé, un élément de mystère à connotation sexuelle, une facilité à occuper l'avant-scène, un style de vie hors du commun et surtout une vocation extraordinaire doublée de l'allure combative du croisé préconisant des changements sociaux. Mm-hmm. Et justement, les idées de Pierre Trudeau aussi... Ça compte quand même. Ça compte. Ça compte parce qu'il est, à titre de ministre de la Justice, et ça aussi, la coïncidence ou la conjoncture est merveilleuse pour lui, il est ministre de la Justice et il doit s'occuper de deux dossiers extrêmement sensibles, la réforme du Code criminel et le dossier constitutionnel. Et il s'avère que dans ces deux dossiers-là, il peut s'avérer un champion, puisqu'il est lui-même juriste. Oui. Il a été professeur de droit à l'Université de Montréal. Et donc, vous savez, il y a beaucoup de ministres, parfois ils sont nommés, ils ne sont pas nécessairement dans leur champ de compétences. Lui, il est vraiment pile dans son champ d'expertise. Avec un message, justement, de renouveau, avec un message au divorce. Oui, exactement, et avec un message clair. Du divorce. La réforme du Code criminel, c'est la décriminalisation de l'homosexualité et c'est aussi un plus grand accès au divorce. Oui. Hein, jusqu'aux années 60, il fallait passer par un bill privé pour se divorcer. Oui. Là, ça devient beaucoup plus facile, même si le mariage reste une institution qui ne relève pas du contrat, du pur contrat privé. Alors, la Trudeau-manie balaie tout sur son passage dans cette campagne électorale de 68. Les adversaires politiques de Pierre Trudeau commencent à enrager, à se plaindre des journalistes. Écoutez cet extrait d'un discours de Robert Clich, qui est à ce moment-là leader du NPD au Québec. Il descend à un moment donné d'un hélicoptère. Puis Radio-Canada, je ne les comprends plus, vous les prendrez les matins aux nouvelles à 8 heures, ils sont plongés dans... Ils deviennent gaga. Série de journalistes que je connais, Sauvé, Poliquin, Henri Cruzen, hein? Ils tombent là-dedans, mes amis. Ils ont décrit il y a quelques jours à Victoria l'arrivée de Pierre-Éliott Trudeau. J'avais l'impression que c'était Moïse qui descendait avec les 10 tables pour promulguer quelque chose au peuple de Victoria. Puis les chroniqueurs de Radio-Canada nous rapportaient que les filles de l'Empire, de par là-bas, parce qu'il y a encore des filles de l'Empire, étaient mal de joie. Ça, c'est la sorte de poutine qu'on offre à l'électeur canadien. Alors, un extrait qui, Éric Bédard, pourrait nous amener à nous questionner sur le rôle qu'ont eu les médias dans cette Trudeau-manie. Mais revenons au NPD, parce que c'est Robert Clich qui parle. Pour le NPD, le passage de Trudeau chez les libéraux, il s'était positionné très à gauche, c'est une trahison. Ils n'en reviennent juste pas. Non. Et on peut très bien les comprendre. Durant les années 50, Trudeau, donc, était l'un des animateurs de la revue Cité libre. Il y côtoyait beaucoup de gens qui seront parmi la gauche québécoise des années 60. Marcel Rioux, Fernand Dumont, Pierre Vadeboncœur, qui était un ami d'enfance pour Pierre-Elliott Trudeau. Et il s'était d'ailleurs lui-même porté candidat. Il avait en tout cas adhéré en 1958 à l'Union des forces démocratiques, un mouvement clairement de gauche qui était tout à fait dans la mouvance du CCF qui allait devenir le NPD au début des années 60. En 1963, il avait eu des mots très durs pour le Parti libéral du Canada qui, en 1963, avec Pearson, avait dans le fond adhéré à cette idée qu'il fallait peut-être avoir des armes nucléaires au Canada ou en tout cas collaborer avec les Américains sur ce dossier. Il avait donc il adoptait une position très anti-nucléaire, très pacifiste. Il avait traité tous les députés libéraux d'ânes de bien dressés. Il s'était moqué d'eux. Il y avait beaucoup de mépris. Il faut dire aussi que les lieutenants du Parti libéral du Canada, avant l'arrivée des Trois Colombes, donc avant 1965, étaient des personnages qui n'avaient pas la stature de Marchand ou de Trudeau ou de Pelletier. C'était des gens comme Guy Favreau qui avait autour duquel tournaient un peu des rumeurs de corruption avec Lucien Rivard. Il y avait toutes sortes de rumeurs qui avaient tourné autour de lui. Donc, quand il décide d'aller au Parti libéral du Canada, ben pour cette gauche qu'il voyait comme un compagnon d'armes, c'était en effet une trahison. On peut comprendre qu'il y ait dans ce discours très coloré de Robert Clich, là je vois mieux pourquoi il a tant marqué les gens de son époque, il y avait beaucoup de charisme. Stand-up comique. Oui, c'est presque du stand-up comique. Très drôle. Et on comprend donc qu'il y a un peu de ressentiment. Oui. Ouais. Un autre qui en a gros sur le cœur et qui voit cette campagne lui échapper complètement, c'est le chef du Crédit social, Réal Caouette, qui va également donc dénoncer les effets de la trudomanie dans cette campagne électorale de 68. Voyez ça à la télévision le soir aux nouvelles. Les petites filles de 12 ans, 13 ans qui vont embrasser M. Trudeau. C'est un spectacle émouvant. Mais pendant ce temps-là, les 75 000 chômeurs continuent de chômer à Montréal. Les grévistes continuent d'être en grève à Valleyfield, ici, à la raffinerie de zinc. Les cultivateurs continuent de donner leur production et on ne les aide pas. Il n'y a absolument rien pour aider l'ensemble du peuple canadien. Mais on endort, par exemple, le peuple canadien, les femmes, les hommes et les jeunes, en montrant M. Trudeau qui se fait embrasser par des petites filles de 12 ans. Il semble que je les prendrais plutôt à 18 ans, moi, toujours. Hein? Le très coloré Réal Caouette. Le dernier petit bout, il est quand même éloquent, Éric Bédard. Au-delà de la boutade, il me semble que je les prendrais au moins à 18 ans, moi, toujours. Parce que Trudeau, pour le Crédit social, il y a quelque chose. Sur le plan moral, là, c'est... On a un problème avec alors, lui. Ben d'abord, parce que ce n'est pas un homme marié. Je vous citais Clarkson et McCall, quelques imperfections physiques et morales. Alors, ça fait le mystère, mais en même temps, ça soulève des questions chez une certaine droite morale, bien représentée par le Crédit social de l'époque. Il y avait même, selon John English, le biographe de Trudeau, il y avait même des rumeurs sur l'homosexualité de Pierre-Elliott Trudeau, du fait qu'il n'était pas marié, il était déjà à la fin de la quarantaine. Donc, c'était un personnage, c'est sûr que ce type de trudomanie, cet engouement, ce côté, cette séduction, cette érotisation de la politique, parce que c'était ça, il devenait une sorte d'icône, ça ne pouvait que enrager ou déplaire ou choquer l'électorat et le leadership du Crédit social. Dernier extrait. Qui avait d'ailleurs contesté cette décriminalisation de l'homosexualité. C'est vrai. Ça avait beaucoup choqué les gens du Crédit social. Dernier extrait de l'émission, mais c'est un extrait qui est important pour la suite des choses. Cette fameuse manifestation au moment du défilé de la Saint-Jean à Montréal, le 24 juin, la veille de l'élection, le 24 juin 68, manifestation qui va virer à l'émeute, où des nationalistes, des souverainistes québécois se pointent pendant le défilé, beaucoup pour contester la présence de Trudeau sur la tribune d'honneur. Il est regrettable que tous ces incidents se produisent. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. Monsieur Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. Il ne veut pas quitter l'estrade d'honneur. Alors, Monsieur Trudeau a décidé de rester à l'estrade d'honneur et il a en cela refusé d'obéir aux personnes qui étaient autour de lui, qui lui disaient de rentrer. Alors, cet événement, on y revient dans un instant. Il va être très, très représentatif de la suite des choses, du rapport de Pierre Trudeau au Québec nationaliste en tout cas, mais plus ponctuellement dans le temps. Est-ce que ça aura un effet sur le résultat du lendemain, cet événement, ce Pierre Trudeau qui se braque, qui reste à la tribune d'honneur? Est-ce que ça aura un effet électoralement pour lui? On peut le penser. Je n'ai pas les données chiffrées, mais on peut penser qu'en effet, cette image a beaucoup impressionné au Canada anglais. Ouais. Exactement. Il faut comprendre que, au fond, si Pierre Trudeau se lance en politique en 1965, c'est aussi parce qu'il est devenu très isolé au sein de l'intelligentsia québécoise et canadienne-française du Québec. Intelligentsia qui est massivement gagnée par l'idée indépendantiste, la ferveur, en tout cas nationaliste, qui adhère au maître chez nous, slogan de 1962. Alors que pour Pierre-Éliott Trudeau, ce sursaut national du Québec des années 60, pour lui, c'est une sorte de régression. C'est une régression nationaliste. C'est le mouvement indépendantiste est à ses yeux une contre-révolution séparatiste, autoritaire. Et c'est une forme insidieuse de retour du religieux, de son point de vue, hein, le nouveau Dieu étant la nation. Ouais. Et donc, il va s'objecter, il va contester même l'idée des deux nations. Il va contester cette idée qui était devenue un peu l'idée assez partagée par presque tout le monde, mais y compris au Canada anglais. Hein, le Parti conservateur, le NPD et les libéraux se convertissaient à cette idée de reconnaître l'idée de la dualité nationale et donc d'accorder au Québec une sorte de statut particulier. Mm-hmm. Le rapport Laurando-Dunton allait dans cette direction, rapport commission auquel il ne voulait pas vraiment collaborer. Et donc, Trudeau, lui, a une vision différente, une vision complètement différente qui est frontale par rapport à cette perspective-là. En fait, ça va se passer beaucoup parce qu'on n'a pas fait sa jeunesse. On parlait de la Trudeau-manie, mais il est plutôt nationaliste très jeune. Il part étudier, comme vous l'avez dit, dans les grandes écoles aux États-Unis, en Europe. Il part voyager de par le monde. Et c'est là où il y a quelque chose qui se passe. Oui, absolument. Il y a une rupture. Il y a une rupture et ça a été bien démontré par la biographie de Max et Monique Nemny, qui ont eu accès aux archives Trudeau. En passant, les archives Trudeau ne sont pas facilement accessibles. Il faut l'autorisation des fils. Et donc, ce sont des gens plutôt sympathiques à son héritage qui ont eu accès aux archives. Mais en même temps, la biographie des Nemny montre bien qu'il avait une perspective nationaliste très, très traditionnelle, très conforme à son temps et à sa génération, et qu'il s'est converti à la fin des années 40. Et donc, sa vision du Canada, c'est un Canada basé sur une charte des droits et libertés qui reconnaîtrait, oui, les droits de parler français ailleurs au Canada, mais non pas de la dualité nationale qui serait enchâssée dans la Constitution. Donc, on est dans une vision très différente de ce qui est dominant durant les années 60. Et ça, ça va plaire à un certain Canada anglais. Et ça va donner, pour revenir à cette image de cette manifestation de la Saint-Jean, cet affrontement-là. Là, il y a une image très forte en 68. Ce sera ça, le rapport de Trudeau avec le mouvement nationaliste pour les années qui suivent. Alors, exactement. Pierre-Éliott Trudeau, c'est l'homme perçu, en tout cas au Canada anglais, qui se dresse contre cette violence, contre ce que Trudeau lui-même appelle cette contre-révolution séparatiste. Et donc, c'est sûr qu'il sera très aimé et apprécié pour ça. Éric Bédard, historien, enseignant à la TELUC, ami de l'émission, merci beaucoup. Merci Éric. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp à la réalisation, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, à la recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alex Leclerc. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire au singulier @radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.